Je veux parler plus d'amour, j'ai plus de cœur. Je t'allume ta mère la pute et je pars à Dubaï. Depuis un petit moment gros j'y vois clair. Je me dois de tout niquer, je veux pas tout bien. Le T-Max est dans le garage. Si ça part en couille, je prends 2-3 billets pour Wahalan. Histoire qu'on te nique ta race. Sur toi je vite mes douilles et je reprends ma vie normale. Que le Seigneur m'en soit témoin. J'ai jamais menti dans mes textes et mes musiques. À 20 ans j'avais une arme, des couilles, un papa, j'ai investi dans un usine. Mes potos s'entolent, mes couilles sont en or, oui les tiennes sont toc. Parmi nous y'a des salopes, des lâches et des faux culs, prends un film et la top. Bruit des armes, ça rafale, ça rafale. Ce soir une mère va pleurer, ça rafale, ça rafale. S'te plaît tata sèche tes larmes, ça rafale, ça rafale. Ton fils il s'est fait charter, que son âme repose en paix. J'entends le bruit des armes. C'est ce sommet qu'on va faire simple. J'aime pas les gens qui font des poussettes. Le porc balé sur le corps, ce soir y'aura des morts, la calachée dans le cul sec. Un jour je vais niquer ma vie, vider le chargeur sur la tête de ces baltringues. On s'en balègue de ta famille, tu peux chanter jusqu'à demain. Non, je vais pas te craindre. Je porte mes couilles comme il faut. Y'a des suceurs, mais je me demande comme il faut. Même dans le rap, gros, t'es pas de mon niveau. Mon frère nique ta soeur pendant que je perds dans le bruit des armes. Ça rafale, ça rafale. Ce soir une mère va pleurer. Ça rafale, ça rafale. S'te plaît, tata, sèche tes larmes. Si c'est fait charter, que son âme repose en paix. J'entends le bruit des armes. Ce soir une mère va pleurer. S'il te plaît, ta tasse, je t'ai l'âme. Ton fils, si c'est fait charter. T'entends le bruit des armes. Ce soir une mère va pleurer. S'il te plaît, ta tasse, je t'ai l'âme. Si c'est fait charter, que son âme repose en paix. T'entends le bruit des armes. Ça rafale, ça rafale. Ce soir une mère va pleurer. Ça rafale, ça rafale. S'te plaît tata sèche tes larmes. Ça rafale, ça rafale. Ton fils il s'est fait charter, que son âme repose en paix. J'entends le bruit des armes.